Retrouvez votre équipe des Oranges Pressées en tout temps sur le web. facebook.com/lesorangespressées. On parle web avec Patrick Dion. Bonjour Patrick. Salut Kim. On parle publicité aussi aujourd'hui sur le web. Ben oui, j'aime ça, la publicité en place. En plus, je vais parler. Oui, je le sais. On va parler entre autres de la campagne des guitares Godin. Je sais pas si tu connais les guitares Godin. Oui. Mais tout bon, ben c'est ça. Tout bon guitariste connaît les guitares Godin. Hein. Et c'est vraiment un concours fait pour les musiciens aussi. Là. Ben en fait, tu vas essayer de nous expliquer ça. Ben c'est ça. C'est une campagne et un concours. Tout d'abord, les guitares Godin, c'est des guitares qui sont fabriquées ici à Montréal. Et c'est des guitares qui sont très appréciées par beaucoup de professionnels, mais aussi par beaucoup d'amateurs et la plus récente campagne publicitaire de Godin met justement en relief ce fait-là. Donc, la campagne s'appelle Play This Ad et elle est déclinée en deux volets. Il y a tout d'abord à l'imprimer où la campagne utilise des tablatures de guitare pour créer des phrases à partir d'accords. Donc, je ne sais pas s'il y a des musiciens qui écoutent, mais de la façon que ça fonctionne, c'est que la façon qu'on note les accords en anglais, c'est avec des lettres. Donc, la, c'est un A, mi, c'est un E, etc. Donc, la campagne utilise justement ces accords anglais-là pour bâtir des phrases. Donc, par exemple, face to face before fame, où le F est un fa, le A mm-hmm. est un la et le C est un do, etc. Donc, ces publicités-là vont être entrées et vont être mises de l'avant dans le magazine Guitar Player du mois prochain, ou peut-être même de ce mois-ci. En fait, et c'est déjà en ligne aussi, on peut les voir sur le site internet oui, de Godin. Oui, ben, en fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'elles sont disponibles en ligne parce que ces accords-là, Godin invite les musiciens amateurs à créer des compositions à partir de ces accords-là, à se filmer et à téléverser leurs résultats sur le site de la campagne. Et en jeu, les musiciens peuvent gagner une collection de guitares Godin d'une valeur de 15 000 $. Parce que même si ce sont tous les mêmes accords, on peut en arriver avec des résultats complètement différents. Ben oui, je veux dire, tu changes le rythme, tu changes l'ordre des accords et tu as une nouvelle composition, mais ça vaut vraiment la peine. La campagne est malheureusement juste en anglais, mais vous n'avez pas besoin de parler quoi que ce soit pour jouer de la guitare. Et le concours est ouvert à tous et se termine le 15 mars 2014. Donc, tapez dans Google Godin Play This Ad pour trouver ouais, directement le site. De toute façon, on va mettre site, les liens sur la page Facebook après la chronique. Merci. On continue avec le directeur général des élections. Ouais, une autre campagne. Un autre genre de sujet. Oui, bien, le directeur général des élections, depuis une couple d'années, vraiment fait des campagnes de pub différentes. Puis j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ce coup-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils incitent les gens à aller voter le 3 novembre. Je veux dire, c'est le but quand même des campagnes. Oui. Mais ils ont mis en ligne une vidéo sur YouTube qui est vraiment intelligente et bien pensée. Surtout quand tu sais pas exactement où ça s'en va, tu sais pas trop de quoi il traite. Quand tu vois pas justement que ça vient du DGA, je me demandais tellement où ça s'en allait, cette pub-là. On y voit entre autres une annonce de mariage, puis toutes les déclinaisons, un peu le principe du téléphone arabe de sa part. Par exemple, oh, mon Dieu, ils sont tellement laids, ils ont pas rapport. Avez-vous vu ce qu'il y a dans le background? Puis c'est un ours. Oh non, c'est le Yeti. On voit vraiment comment les messages d'opinion se développent puis se diffusent dans la vie de tous les jours, mais particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc, le but du DGA est clair là-dedans. Pourquoi ne pas exprimer son point de vue en allant voter aux élections municipales? Parce que c'est pas juste bon d'avoir des opinions, il faut aussi les exprimer. Ah, donc, c'est très clair comme message. Ah oui, avec l'humour utilisé, puis la façon qu'ils prennent la culture web, particulièrement les trolls, justement, ces gens qui se prennent un malin plaisir à dénigrer tout ce qui se dit sur Internet mm-hmm. en disant le contraire. Donc, le clip vise une clientèle plutôt jeune et j'espère que ça va faire plus que jaser les gens et que ça va les faire déplacer le soir du 3 novembre. Et à nouveau, tu vas nous mettre ça sur la page Facebook? Absolument. Des Oranges Pressées. Tout à fait. Cyberintimidation. Oui, bien, je sais pas. C'est bizarre, j'en avais pas entendu parler parce que peut-être, je sais que les médias traditionnels en ont un petit peu parlé. Et moi, je suis pas friand de téléjournal et autres nouvelles traditionnelles, mais j'ai rien vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la semaine, si vous ne le saviez pas, contre l'intimidation et la violence à l'école. C'est jusqu'à demain soir. Et le gouvernement s'est inspiré de l'école primaire, d'un projet de l'école primaire Parc Orléans à Charlebourg qui a mis sur pied ce projet-là qui traite de cyberappréciation. Oh. En fait, c'est complètement le contraire. C'est vraiment dans le but de lutter contre la cyberintimidation et c'est pour inciter les jeunes à être positifs sur Internet. Donc, l'idée, c'est simplement d'envoyer des tweets, des textos ou des messages sur Facebook aux gens qui nous entourent en les remerciant pour une action qu'ils ont faite ou en soulignant leur qualité. Donc, dans la même foulée, le ministère de l'Éducation a dévoilé un partenariat avec quatre organisations qui se consacrent à la lutte contre l'intimidation, soit Ensemble pour le respect dans la diversité, la Fondation Jasmin Roy, mm-hmm. l'Institut Pacifique et Tel Jeune. Il y a aussi le site Branché sur le positif qui a été mis en ligne. On y retrouve des informations, des ressources et quelques vidéos. C'est pas les gros chars, c'est pas hyper léché, c'est pas très très beau, la facture est pas très moderne, mais l'idée est bonne derrière ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas porter le message au-delà des murs des écoles? Parce que la cyberintimidation, ça se règle tout d'abord dans notre cours. Alors, j'ai pris moi-même le mandat de prendre d'une fois par jour d'envoyer un message positif aux gens de mon entourage. Et Quelle belle idée. Je commence par toi en disant, bravo Kim, tu fais un travail extraordinaire en remplacement de Marc-André. Merci beaucoup. Merci Patrick. Et je vais prendre cette initiative-là, moi aussi, sur les différents réseaux sociaux, un message par jour. Voilà, bon, ça fait plaisir aux gens, ça prend pas grand-chose, puis un sourire peut faire toute une différence d'une journée. Excellente suggestion. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi.